Bismillahirrahmanirrahim. Le site de damouage.fr vous présente une série de cours de ta'bir, d'expression orale en langue arabe, tiré du livre de l'université de Riyad, niveau 1. Cours dispensé par Abu Taymiya Khalil al-Martiniki, wafaqahu Allah wa saddada. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل الإسلام والمسلمين. 20e leçon. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ونتبعهم بالإحسان اليوم بالدين أما بعد. طيب ما معنى علاج؟ قام بي يقوم بي وعليك صلاة. عملية جراحية. عملية ça c'est opération et chirurgie du cœur. شكل شكو نوع مصاب اتم celui qui attend. نعم شراب une boisson mais dans le texte là c'est un sirop. صيدلية pharmacie. مرض maladie. عين عيون رأس tête. كشف يكشف faire apparaître ou qu'elle se fait ausculter dans le texte. Non. C'est faire apparaître, je crois. Aussi, non. Découvrir, trouver. Najib al-As'ila. Oh, Najib al-As'ila, Rubai. Awalan, Yakoul. Aina yadhhab. من يشكو من ألم في بطنه. Où se rend celui qui a une douleur au ventre. من يشكو من ألم في بطنه يذهب إلى قسم الباطنية. نعم. من يشكو من ألم في عينه. يتوجه إلى قسم المعيون. الذي يكرر له الطبيب عملية جراحية. إلى أين يذهب هذا؟ نعم الطبيب يقول لا لا لا ما هذا السؤال؟ السؤال يرجع إلى طيب أين يذهب من؟ إلى لا فرنسي من يكرر له الطبيب عملية جراحية؟ نعم الطبيب يقرر له عملية حرجية. لا هذا ما هو ما هو الجواب؟ j'ai pas compris en fait. Je pensais que c'était une question. C'est une question. من أين يذهب من يقرر له الطبيب؟ C'est la même question qu'en haut. Où va celui à qui le docteur a prescrit une opération chirurgicale? C'est ça la question. Où est-ce qu'il va? Donc, quel qui se sort? Là, moi, je comprends. Je comprends pas. Parce que la question, moi, je comprends. Qu'est-ce qu'il lui a prescrit? Là, c'est comme les questions en haut. La question, c'est Aina Yadhab. Après, il te dit trois choses différentes. Ouais, c'est ça. Celui à qui le docteur prescrit une opération chirurgicale. Où est-ce qu'il va, lui? Au début, on a dit quoi? Aina Yadhab, man yashku min alam fi batni. Où va celui qui se plaint de son ventre? Fuma. Où va celui qui se plaint d'une douleur aux yeux? Maintenant c'est où va celui à qui le docteur prescrit une opération chirurgicale? C'est la même question. Pourquoi va le malade au mukhtabar? عندك يذهب إليه ليقوم بعمل il va au laboratoire pour prendre soin de pour prendre soin de lui non un truc comme ça il y a un mail moi c'est si j'ai recopié si elle il y a un mail de tahali ah il y a un mail de tahali il va continuer à prendre ثم يتوجه أو يحوله إلى المختبر ليقوم بعمل التحاليل. راسك دام تكست. ثالثا لماذا يطلب الطبيب من المريض عمل التحاليل؟ يعرف الطبيب نوع المرض. نعم. رابعا ما نوع العلاج الذي يستعمله المريض؟ عندك. المريض يأخذ الدواء الذي قد يكون حبوبا أو شرابا أو حقنا طيب لا بس خامسا أين يأخذ المريض الدواء يأخذه من الصيدلية. نعم. ثانيا غبير يدخل. الجملة الأولى. شعر محمد بمرض في بطنه. في بطنه ثانيا قرر أن يذهب إلى الطبيب ليكشف عليه طيب ثالثا قال له الطبيب الطبيب إن مرضك ما في مد إن مرضك قد يكون ضرس تارية أو بلحارسية نعم رابعا ذهب محمد إلى المختبر ليقوم بعمل التحاليل نعم خامسا ظهرت نتيجة التحاليل بأن محمد مصاب بدون سنتارية طيب هذا مفهوم طيب نعم رقم كم ايوه اربط الجملتين كما في النموذج لا هات مفرد كل كلمات بالكلمات الاتيه طيب دونك دون لو سانغولي دي موف سيفون اسعار غرف غرفة نعم عيون عين تحاليل مرضى مريض طيب مريض أو نعم مرضى أصل لجمد المريض مرض وإن كنتم مرضى ولا سفرين كما في القرآن أمراض طيب الآن واصل في الدرس 19 في الفندق دولوتل كلمة جديدة البطاقة الشخصية البطاقة على باز سي انكارت الشخصية سي انكارت ايدنتيتي Ça, c'est une carte personnelle, ce qui veut dire en fait c'est une carte d'identité. Carte d'identité ? Mmh. Mon code d'aman, c'est en avance, à l'avance. Un code d'aman, en avance ou à l'avance. El dafa, c'est le master de dafa et de faou qui veut dire. Non, donc là, ça veut être quoi ? Celui qui paye. Là, on n'a pas dit dafia. Masdar, dafa. Payer. Là, là. C'est l'action de payer, non ? Ça s'appelle comment ? Hein, c'est le masdar. Ah, ouais. Non, mais c'est l'action, c'est l'action de payer, ça. Et bah, comment ça s'appelle ? Et un mot, tout simple, bah, tout le monde le connaît. Payer, c'est le verbe. L'action de payer ? L'action de payer, mon frère. Brahman. Paye. Paiement. Paiement. Un paiement. Mi a 100. Ça veut dire 100, le nombre 100. Hein? Ah. Et on peut aussi l'écrire avec un med. Après le mime, tu mets un alif. Et... Genre, tu peux l'écrire comme ça aussi. Mi a. Mais qui se prononce comme ça, mais tu peux l'écrire aussi comme ça. Mia. Yeah. Mmh. Oui. Je crois que marqué comme ça. Mmh. C'est l'accueil. Hassanen, oui. Hassanen, non. Très bien, oui. Al-Istikbal, là, c'est l'accueil. C'est le mensonge de stakbala, stakbilo qui veut dire accueillir, recevoir une personne, la famine. Donc là, al-stikbal, c'est l'accueil. Khitma, service. Comme rendre un service. Aqam yuqimu, ça veut dire là, résider, s'installer. Aqam yuqimu. Comme Makata. Takriban nam. Nam. Résident. Ça fait l'Iqama, c'est le masdar de ça. L'Iqama, c'est ta carte de séjour. El Hadi Ashar. El Hadi Ashar, ça c'est l'onzième. Ça va venir, Inch'Allah, quand les chiffres deviennent. Une qualification, la forme qu'ils prennent. Ummal, c'est le terme de Amil, de travailleur. Shakhsun, c'est une personne, un individu. Vous voyez, une personne, un individu. Orba'umiya, ça c'est 400, ça va venir pareil, comment faire les nombres avec 100, Inch'Allah. 400, c'est 400. Et parmi les ta'birat al-jadida, parmi les nouvelles expressions, hel min khidma, en fait, ce serait, on pourrait traduire genre un autre service, quand quelqu'un te parle, un employé, à la fin, il te dit hel min khidma, genre je peux faire quelque chose, autre chose pour toi. Et après, tu dis nam amla. Et s'ils vont dire khadamat, ça leur parler, genre tu changes un service ou quoi, ça revient de, à peu près à la même chose. On dit comme ça, souvent khadamat. Khadamat, c'est des services. طيب. الآن ندخل في الحوار بين خالد والموظف. داود انت خالد وانت الموظف. أين موظف؟ أين موظف؟ موظف في الاستقبال من فضلك. Donc il dit où l'employé d'accueil, s'il te plaît. أهلا بك. هل من خدمة؟ Il dit bienvenue à toi. Puis-je te rendre service? Oui. Donc... Ça dirait comme ça. Hein. Ou à ton service. أريد غرفة لشخص واحد. dit qu'il voudrait une chambre pour une personne. Combien de jours vas-tu rester? Vas-tu t'installer? 4 jours. Donc il dit la chambre, ou plutôt le loyer, on dira comme ça, le loyer ou le prix est de 400 riyals et le paiement doit être fait par avance. Al-daf muqaddaman, ça pour dire le paiement doit être fait par avance. En avance. 100 riyals à Fannam, comme on dit 4 ayam. 100 riyals et le paiement en avance. حسنا تفضل هذه 400 ريال. طيب يدي très bien. تفضل c'est dire en fait là on traduit par prend. Voici 400 ريال. لو سمحت البطاقة الشخصية. Donc لو سمحت si tu me permets en fait il désire la carte d'identité. Alors passe-moi ta carte d'identité. تفضل. On traduit par خذ tiens. رقم غرفتك 23 في الطابق 11. في الطابق 11. نعم. Il dit le numéro de ta chambre est 23 fin dans le 11e étage. Donc là il va surtout se rapporter aux chiffres. Ce ders ça va se rapporter aux règles des chiffres principalement. C'est pour ça que j'ai demandé de réviser ce qui avait été pris dans le kitab Awel pour qu'il n'ait pas besoin de tout répéter. يقول اولا استمع وردد. Donc écoute et répète. Maintenant le chiffre qui vient après mia, voyez le chiffre qui vient après mia, ça va être un mudaf ilay, mufrad mudaf ilay. Le chiffre ou plutôt le dénombré qui vient après mia, ça va être un mufrad mudaf ilay. مثلا هنا يقول هذه 100 ريال ليوم واحد. Voici 100 riyal pour un jour. Donc regarde, riyal, il vient après miya. Ils n'ont pas mis en jam. Et il est majrour avec une kasra. Parce que c'est un mudaf ilay. Et miya tout, c'est pour ça qu'il n'y a pas de tanwin. Et il n'y a pas de tanwin. Thaniyan, hadihi miyata riyalin yomain. Voici 200 riyal pour 2 jours. Donc là, à la base, c'est miyatani. Taïeb, c'est miyatani. Mais quand un ism, mufanna, il est mudaf, on enlève le nun. On enlève le nun. Et riyal derrière, mudaf, il est. Je crois que mais dans les djem, on retire aussi. Aussi dans le djem, on enlève le nun. C'est une règle. Vous voyez, le djem, mudakar salim, et le mufanna, quand il devient mudaf, le nun, on enlève. ثالثا هذه 300 ريال لثلاثة أيام. Voici 300 ريال pour 3 jours. هذه 400 ريال لأربعة أيام. Voici 400 ريال pour 4 jours. هذه 500 ريال لخمسة أيام. Voici 500 ريال pour 5 jours. هذه 600 ريال لستة أيام. Voici 600 ريال pour 6 jours. هذه 700 ريال لأسبوع. Voici 700 ريال pour une semaine. هذه 800 ريال لثمانية أيام. Voici 800 ريال pour 8 jours. هذه 900 ريال لتسعة أيام. Voici 900 riyal pour 9 jours. Tayyib, sous LLN. Je vais voir ce qui est révisé. Pourquoi il dit Kifomia et après il dit Tisata Ayamin. Pourquoi il y a un tête, pourquoi il n'y a pas de tête? Alors c'est le même nom. Yaqul Hadi Tisou Miyatin Rialin Tisati Ayamin. Au début on a Tisou et après on a Tisa. Pourquoi? Et c'est le même nom. C'est le pluriel, non? Pas très. Comment c'est le pluriel? Non, je sais pas. Moi, je me suis trompé. Ah, les petits sont bien. Parce qu'il est, il est masculin. Qu'est-ce qui est masculin? Tisran. Mia, c'est féminin. Un truc comme ça. C'est à toi de me dire. Franchement, c'est moi qui t'interroge, c'est pas toi qui m'interroge. Là, c'est ça, il y a féminin, mais... Là, un truc comme ça, féminin. Féminin, c'est... Mais... Parce que Ayam, là, ça, c'est... C'est quoi? Si, c'est ça, c'est ça. Ayam, c'est masculin. Mm-hmm. Et donc, le dénombré, non, le nombre qui vient, il est féminin. Enceinte. Ah ben ouais. C'est-à-dire que quand le dénombré est masculin, le nombre il est féminin. Et le contraire pareil. Et on l'a déjà dit dans les règles de 3 à 10, le dénombré il est pluriel, modafilei. Il vient en pluriel et il est modafilei. Jam, modafilei. Et le dénombré s'oppose à lui en nombre, hein, en genre. D'accord. Et Mia, c'est féminin. Donc tu dis Tis Mia. Seulement Mia, tu ne veux pas dire Tis Miat. Il reste toi comme ça. Parce que Khos Amia, tu ne vas pas dire ce qu'on a dit, on vient de dire quoi à l'instant, que le dénombré, il est Moudaf, il est pluriel. Et la Mia, il est resté singulier. Mais Mia, il reste toi comme ça. Il n'y a pas de pluriel pour Mia. Tu peux dire Miat, par exemple, tu as des centaines. Mais quand tu fais les règles des Arkham al-Hadad, il n'y a pas comme un. Il reste tel quel. Thanian, istami wa raddid. Yaqul, rakm ghurfatika wahidun wa ishuruna. Le numéro de ta chambre est 21. Là, أين المبتدأ؟ المبتدأ واحد. المبتدأ هو أصل النوم اللي هو. وقعد الحركات. المبتدأ إلى الحركة بعد شوية. شو بتقول تقول إنت؟ لا سي رقم سي رقم المبتدا لا سي مضاف اليه يا رب المبتدا سي اسمه رقم سي تو الغرفه رقم بس هي با المبتدا هي با توجور معرفه لا لا اللي معرفه تصنعنا رقم رقم غرفتك سي مضاف معرفه الخبر واحد وعشرون هو ينو في واحد توصل خبر واحد est-ce qu'il y a après waouh c'est un martouf tu apprends il y a là de ce qui est avant waouh طيب donc là on voit 20 il va être mal fort voyez parce que je suis le khabar il est Jam Zakar Salim, ou ce qui lui ressemble comme les nombres, parce qu'en vrai les nombres, ce ne sont pas vraiment un Jam Zakar Salim, ça s'appelle un Mulhaq du Jam Zakar Salim, c'est-à-dire un attaché au Jam Zakar Salim, parce qu'il prend les mêmes règles que lui, il a la même apparence que lui, mais il y a certaines conditions qui ne sont pas présentes, ça se verra plus tard. Toujours est-il qu'il prend les mêmes règles. Et Aramat Rafi, c'est un waouh. Vous voyez, son signe de Raf, c'est le waouh. Un Shuruna, là il est mal fort, comment tu sais, pour le waouh. ثانيا رقم غرفتك 22 donc le numéro de ta chambre 22 رقم غرفتك 23 Bah, vous connaissez tous les noms, hein, pas besoin de... Vous les connaissez tous, ça, quoi. Oui. Ouais, on les connaît... Bah, ouais, là, comme ça, mais je les connais pas comme ça. Là, il n'y a pas de monde nouveau, là, c'est tout ça. Rakm ghulfatik, 24. Rakm ghulfatik, 25. Rakm ghulfatik, 26. Rakm ghulfatik, 27. Rakm ghulfatik, 28. رقم غرفتك 29 رقم غرفتك 30 là c'est 30 et après c'est tous pareil là on a pris 20, 21, 22, 23, 24 jusqu'à 29 et tous 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ils disent tous pareil quand tu veux dire 91 tu veux dire 1, 90 quand tu veux dire 41 1, 40 si tu veux dire à 55 tu veux dire 50, 50. Donc après, on ne va pas répéter les... Vous voyez ? Non. Rakm ghulfatik 40. Rakm ghulfatik 50. Rakm ghulfatik 60. Rakm ghulfatik 70. Rakm ghulfatik 80. Rakm ghulfatik 90. Et tous, tu mets de 1 à 9 après, ça fait comme on a pas. Auparavant avec 21, 22, 23, 24, ainsi de suite. La même chose. Qu'est-ce que tu as 66. 66. Sita. Ouais, pourquoi je dis, moi je connais même pas les noms bien, mais c'est quand même. Sita wa Sittun. Non, Sita Tunu Sittun. 74. Arbaatun wa Sittun. Non. 37. Sadatuna. Là, tu passes à Batoun. On dit, alors, on dit que tu veux dire quoi? On dit tu mets un waou, on dit tu mets un waou ou un noun. Tu dis c'est Batoun. Ouais, c'est Batoun. Batoun ou pas Batoun. Très bien. Très bien, c'est. Il faut s'habituer, il faut répéter. Attends. Après, ça change en fonction de ce que nous donnons. Quand On dit Sabaratoun, ouais, après. Et c'est parce que le Rolfa, c'est féminin, c'est bien ça. Mmh. Vous comprenez, non? Là. Alors qu'il est masculin, donc ça devient féminin, c'est ça. Mmh. En fait, pour dire par exemple Sabaratoun, ouais, ça dépend du. Ça dépend de. Du, mmh. Ce qu'on dit. Ouais. Non. Est-ce que ça peut être Sabaou ou Echon? Non. ثالثا استمع وردد يسكن سليم في الطابق الحادي عشر donc maintenant il va vous apprendre à quoi de 11 à 19 mais quand ils ne veulent pas dire par exemple 11 ils veulent dire 11e 12e 13e quand ils sont en fait les qualificatifs donc là il dit au masculin taban là ils sont masculins يسكن سليم في الطابق الحادي عشر الحادي c'est pour dire 1 en fait ça revient à 1 et il prend une fatha الحادي عشر الحادي عشر donc tu la vois la fatha et c'est tout le temps une fatha même si tu mets حرف جر devant ou tu mets un verbe مفعول به ou tu mets qu'il est مبتدا il aura toujours une fatha le même nid et mamni. Fanyan, yaskunu salimun fi tabiq al-thani achar. Donc Salim habite au deuxième étage, douzième étage. Farisan, yaskunu salimun fi tabiq al-thalith achar. Donc là c'est troisième, treizième étage. يسكن سليم في الطابق الرابع عشر. 14 متاج. يسكن سليم في الطابق الخامس عشر. 15 متاج. يسكن سليم في الطابق السادس عشر. 16 متاج. يسكن سليم في الطابق السابع عشر. 17 متاج. يسكن سليم في الطابق الثامن عشر. 18 متاج. يسكن سليم في الطابق التاسع عشر. 19 متاج. Et là, c'est comme les dias qu'on prend. La dias, c'est à 6 achar. Taïb, 16 achar. Rabi achar, c'est la même chose. Taïb, Rabi an, ajib, kama fil namouzaj. Yakoul, kam yawman satuqimu fil funduq. Taïb, tiens, Daoud, je sais qu'il a la réponse, inshallah. Yawman là, maza yin fatha. Maza ou mansoub. Ça c'est un... Est-ce qu'on a un... Tamiz. Ensuite, notre parenthèse Arba. Donc il veut que tu écrives Arba comme il convient. Et que la réponse. Il dit ça uqimu Arba ayamin. Mathalan, jumal oula, yakul, kem darsen, c'est aktoub. En dessous, il met comme ça. Quand tu écris la réponse, en lettres. À l'écran de ça. T'as même Là, ça fait le bait. Al-Khamisan, Ajib, qui m'a fait Namouzaj. Celui-là, c'est la même chose. Sauf que là, maintenant, c'est féminin. Celui d'avant, c'est des dénombrés masculins. Ma'doud, Muzakkar. Là, ça va être Ma'doud, Mouannas. Kem Nafidatan. Fil Hujra. Combien de fenêtres dans la chambre? Yakul Arba. La réponse est Fil Hujrati Arbaou Nawafid. Arbaou Nawafid. Arbaou parce que Nawafid il est Mouannas. Nafida c'est Mouannas. Donc tu dis Arbaou. Tu dis que Arbaou. Une question alors aussi. Parce que des fois, là par exemple Nawafid, aussi il n'y a pas de. Nafida il est féminin, alors on voit sa marque avec le ta, mais Nawafid, tu vois, on ne sait pas si. Mais tu le connais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être la question que j'avais, c'est est-ce que, par exemple, si dans le pluriel, il n'y a pas la marque du féminin. Ah ouais. C'est quoi, ça reste quand même féminin, c'est pas. Ah, le féminin, c'est un féminin. Ouais. Pluriel ou singulier, féminin, c'est un féminin. Non, parce pourquoi que ça fasse taille comme les mots comme Shams par exemple. Shams c'est un mot féminin ça. Ah yo. Mais il n'y a pas la marque du féminin pour ce mot-là. Ah il n'y a pas, mais tu sais que c'est féminin. Mais pour le premier exercice, quel kitab ça t'apprend. Nous, dans la réponse, on avait Koutou. Non. Koutou, bon, c'est. Il n'y a pas de. C'est Rayo Arkhiz. Non, c'est quand tu fais les. C'est ce qui apporte aux sifres, trucs comme ça. Mais c'est le nom, ça, c'est un nom masculin. Il prend les règles de Mouannas Moufrad, c'est un nom masculin à la base. Donc le nom, il se base sur le nom en fait. Sur l'origine du mot. Est-ce qu'il est Moudakar ou Mouannas ou... C'est l'origine du mot. Parce que tous les mots, là, dès que tu les rends pluriels, ils sont pluriels. Il n'y a rien à raconter, là. سادسا انا اريد غرفه لشخص واحد. Donc après faut changer la phrase avec le ضمير qui met entre parenthèses. الان يقولون هو تقول هو يريد غرفه لشخص واحد. طيب الجمله الاولى مع انت انا انت تريد غرفه لشخص واحد. نعم. ثانيا انتم أنتم يريدون؟ لا. أنتم تريدون؟ نعم. أنتم تريدون غرفة لشخص لشخص واحد. نعم. هي. Mm-hmm. هي تريد مد الياء. هي تريد. نعم. هي تريد غرفة لشخص واحد. نعم. البنتان. البنتان. تريدان. أحسنت. غرفة لشخص واحد. نعم. الولدان. الولدان يريدان غرفة لشخص واحد. أنتما. أنتما تريدان غرفة لشخص واحد. هم. هم يريدون غرفة لشخص واحد. هن. هن يريدن. نعم. يريدن غرفة لشخص واحد. أنت. أنت تريدين. أنت تريدين غرفة لشخص واحد. نحن. نحن نريد غرفة لشخص واحد. طيب أنا مفهوم. سابعا يقول غرفتك في الطابق الثاني. Entre parenthèses, il met Anna, domir Anna. La phrase devient Rulfati fit tabir fani. Donc le domir munfasil qui est entre parenthèses, il faut le mettre munfasil dans la phrase. Taïb, hum. Rulfatuhum fit tabir fani. Nam. Huma. Rulfatuhuma. في الطابق الثاني. نعم. أنت. غرفتك في الطابق الثاني. هن. غرفتهن في الطابق الثاني. أنتما. غرفتهما. غرفتهما. لا. أنتما مخاطب. غرفتكما في الطابق الثاني. أنت. غرفتك في الطابق الثاني. طابقي. طابقي. نحن. غرفتنا في الطابق الثاني. أنتم. أنتم. غرفتكم في الطابق الثاني. أنتن. غرفتكن في الطابق الثاني. هو. غرفته في الطابق الثاني. هي. غرفتها في الطابق الثاني. طيب. ثامنا استمع وردد. En fait, c'est une formule de politesse entre un employé, par exemple, un client. Mathalan yakoul, hel min khidma. On traduirait comment ? Quel service puis-je te rendre ? Ou chose comme ça. Ajawab, al-dawa'a al-lazi fi al-warakatim min faldik. Donc là, on déduit que c'est un patient qui va faire l'aliyah avec une ordonnance. Et là, on regarde dawa'a il-mfatha. En fait, il y a un taglir. Uridu. Il a été enlevé. C'est Uridu al-dawa'a al-lazi fil warakati min fadlik. Je voudrais le médicament qui est sur l'ordonnance. La feuille, mais on sait sur l'ordonnance. S'il te plaît. À côté, en dessous du titre. Hel min khidmatin. Je te rends un service. Tafkirateini min fadlik. Le taglir, c'est Uridu tafkiratein min fadlik. Je voudrais deux billets. S'il te plaît. هل من خدمتين كسرش بشتران فندق السعادة من فضلك je voudrais en fait hôtel السعادة s'il te plaît à côté هل من خدمة زجاجة عصير من فضلك je voudrais une bouteille de jus s'il vous plaît هل من خدمتين غرفة بحمام من فضلك une chambre avec toilette s'il vous plaît ou s'il te plaît Donc là, comme on voit, des fois le verbe on peut l'enlever. Vous voyez ? تاسعا املا الفراغات في الجمل الآتية بكتابة الأرقام التي بين القوسين. Donc il veut que vous écriviez dans les trous les nombres entre parenthèses avec une écriture correcte. مثلا يقول اشتريت, et il a mis le nom سلافة entre parenthèses ساعة. كيف تقول؟ تقول اشتريت ثلاث ساعات. طيب من الساعة مؤنث, دونك ثلاث يبقى مذكر. وهذا كذلك البيت, لأن غدا ما في درس. أستطيع أن نعبئكم بالواجبات. عاشرا استخدم كل كلمات من الكلمات الآتية في جملة مفيدة. دونك أوبر لي مون لي فاسيون سونس. مناسب, أسعار, حسنا, الدفع, مقدما. فهذه الكلمة الخمس تجهلونها إن شاء الله في جملة مفيدة وهكذا. والحمد لله بعد هذا في موضوع طيب سيأتي في الفقه en France. C'est intéressant. من العلوم الشرعية. لا لا, في هذا الكتاب أيوة. التيمم والوضوء. Si vous avez en public que de sujets comme ça, ça serait tellement bien. طبعا في سؤال في الدرس. ما فيش. طيب فأنا أقول لله هنا والحمد لله رب العالمين.